Chapitre 7. Complications. Il y avait 14 ans déjà, Silas Torontal avait quitté Trieste pour venir s'établir à Raguse, en ce magnifique hôtel du Stradon. Dalmate d'origine, rien de plus naturel qu'il eût songé à retourner dans son pays natal après s'être retiré des affaires. Le secret avait été bien gardé aux traîtres. Le prix de la trahison leur avait été exactement payé. De ce fait, toute une fortune était échue au banquier et à Sarkany, son ancien agent de la Tripolitaine. Après l'exécution des deux condamnés dans la forteresse de Picino, après la fuite du comte Mathias Sandorf, qui avait trouvé la mort dans les flots de l'Adriatique, la sentence avait été complétée par la saisie de leurs biens. De la maison et d'une petite terre appartenant à Ladislas Zatmar, il n'était rien resté, pas même de quoi assurer la vie matérielle de son vieux serviteur. De ce que possédait Étienne Báthory, rien non plus, puisque sans fortune, il ne vivait que du produit de ses leçons. Mais le château d'Arthénac et ses riches dépendances, les mines avoisinantes, les forêts du revers septentrional des Carpates, tout ce domaine constituait une fortune considérable au comte Mathias Sandorf. Ce furent ses biens dont on fit deux parts. L'une, mise en adjudication publique, servit à payer les délateurs. L'autre, placée sous séquestre, devait être restituée à l'héritière du comte lorsqu'elle aurait 18 ans. Si cet enfant mourait avant d'avoir atteint cet âge, sa réserve ferait retour à l'État. Or, les deux quarts attribués aux dénonciateurs leur avaient valu plus d'un million et demi de florins dont ils étaient libres de faire usage à leur convenance. Tout d'abord, les deux complices songèrent à se séparer. Sarkany ne se souciait pas de rester en face de Silas Torontal, et celui-ci ne tenait en aucune façon à continuer ses relations avec son ancien agent. Sarkany quitta donc Trieste, suivi de Ziron, qui, ne l'ayant point abandonné dans la mauvaise fortune, n'était pas homme à l'abandonner dans la bonne. Tous deux disparurent, et le banquier n'en entendit plus parler. Où étaient-ils allés? Sans doute en quelque grande ville de l'Europe, là où personne ne songe à s'inquiéter de l'origine des gens, pourvu qu'ils soient riches, ni de la source de leur fortune, pourvu qu'ils la dépensent sans compter. Bref, il ne fut plus question de ces aventuriers à Trieste, où ils n'étaient guère connus que de Silas Torontal. Eux partis, le banquier respira. Il pensait n'avoir plus rien à craindre de l'homme qui le tenait par certains côtés et pouvait toujours exploiter cette situation. Cependant, si Sarkany était riche, on ne peut tabler sur rien avec des prodigues de cette espèce, et s'il dévorait cette fortune, il ne serait pas gêné de se retourner vers son ancien complice. 6 mois après, Silas Torontal, après avoir rétabli sa maison gravement compromise, liquida ses affaires et abandonna définitivement Trieste pour venir habiter Raguse. Bien qu'il n'eût rien à redouter de l'indiscrétion du gouverneur, seul à savoir le rôle joué par lui dans cette découverte de la conspiration, c'était trop encore pour un homme qui ne voulait rien perdre de sa considération et auquel sa fortune assurait une grande existence partout où il lui plairait d'aller. Peut-être aussi cette résolution de quitter Trieste lui fut-elle dictée par une circonstance particulière qui sera révélée plus tard, circonstance dont Madame Torontal et lui eurent seule connaissance. Ce fut même ce qui le mit en relation, une fois seulement, avec cette Namir dont on connaît les accointances avec Sarkany. Ce fut donc Raguse que le banquier choisit pour sa nouvelle résidence. Il l'avait quittée très jeune, n'ayant ni parents ni famille. On l'y avait oublié. Et ce fut en étranger qu'il revint dans cette ville où il n'avait pas reparu depuis près de 40 ans. À l'homme riche qui arrivait dans ces conditions, la société ragusaine fit bon accueil. Elle ne savait de lui qu'une chose, c'est qu'il avait eu une grande situation à Trieste. Le banquier chercha et acquit un hôtel dans le plus aristocratique quartier de la ville. Il eut un grand train de maison avec un personnel de domestique qui fut entièrement renouvelé à Raguse. Il reçut, il fut reçu. Puisqu'on ne savait rien de son passé, N'était-il pas un de ces privilégiés qui s'appellent les heureux de ce monde? Silas Torontal, il est vrai, n'était point accessible aux remords. N'eût été la crainte que le secret de son abominable délation fût dévoilé un jour, rien ne semblait devoir apporter un trouble dans son existence. Toutefois, en face de lui, comme un reproche muet mais vivant, il y avait Madame Torontal. La malheureuse femme, probe et droite, connaissait cet odieux complot qui avait envoyé trois patriotes à la mort. Un mot échappé à son mari, au moment où ses affaires périclitaient, un espoir imprudemment formulé qu'une portion de la fortune du comte Mathias Sandorff lui permettrait de se relever, des signatures qu'il avait dû demander à Madame Torontal, avaient entraîné l'aveu de son intervention dans cette découverte de la conspiration de Trieste. Une insurmontable répulsion pour l'homme à qui elle était liée, tel fut le sentiment qu'éprouva Madame Torontal, sentiment d'autant plus vif qu'elle était d'origine hongroise. Mais on l'a dit, c'était une femme sans énergie morale. Abattue par ce coup, elle ne put s'en relever. Depuis cette époque, autant qu'il lui fut possible, à Trieste d'abord, à Raguse ensuite, elle vécut à l'écart, du moins dans la mesure que lui imposait sa situation. Sans doute, elle paraissait aux réceptions de l'hôtel du Stradon. Il le fallait, et son mari l'y eut obligée. Mais son rôle de femme du monde terminé, elle se reléguait au fond de son appartement. Là, se consacrant tout entière à l'éducation de sa fille, sur laquelle s'étaient reportées ses seules affections, elle s'essayait à oublier. Oublier, quand l'homme compromis dans cette affaire vivait sous le même toit qu'elle? Or, il arriva précisément que 2 ans après leur installation à Raguse, cet état de choses vint encore se compliquer. Si cette complication créa un nouveau sujet d'ennui pour le banquier, Madame Torontal y trouva un nouveau sujet de douleur. Madame Bathory, son fils et Boric, eux aussi, avaient quitté Trieste pour s'établir à Raguse où il leur restait encore quelques parents. La veuve d'Étienne Bathory ne connaissait point Silas Torontal. Elle ignorait même qu'il eût jamais existé un rapport quelconque entre le banquier et le comte Mathias Sandorff. Quant à se douter que cet homme eût trempé dans l'acte criminel qui avait coûté la vie aux trois nobles hongrois, comment l'aurait-elle appris, puisque son mari n'avait pu lui révéler, avant de mourir, le nom des misérables qui les avaient vendus à la police autrichienne? Cependant, si Madame Bathory ne connaissait pas le banquier de Trieste, celui-ci la connaissait. De se trouver dans la même ville, de la rencontrer quelquefois sur son passage, pauvre, travaillant pour élever son jeune enfant, cela ne laissait pas de lui être plus que désagréable. Certes, si Madame Bathory eût déjà demeuré à Raguse au moment où il songeait à s'y fixer, peut-être aurait-il renoncé à ce projet. Mais lorsque la veuve vint occuper cette modeste maison de la rue Marinella, son hôtel était déjà acheté, son installation faite, sa situation acceptée et reconnue. Il ne put se décider à changer une troisième fois de résidence. « On s'habitue à tout », se dit-il. Et il résolut de fermer les yeux devant ce témoignage permanent de sa trahison. Lorsque Silas Torontal fermait les yeux, il paraît que cela suffisait pour qu'il ne vit rien en lui-même. Toutefois, ce qui n'était après tout qu'un désagrément pour le banquier, devint pour Madame Torontal une cause incessante de douleur et de remords. Secrètement, à plusieurs reprises, elle essaya de faire parvenir des secours à cette veuve qui n'avait d'autres ressources que son travail. Mais ses secours furent toujours refusés, comme tant d'autres que des amis inconnus essayèrent de lui faire accepter. L'énergique femme ne demandait rien, elle ne voulait rien recevoir. Une circonstance imprévue, improbable aussi, allait rendre cette situation plus insupportable encore, terrible même, par les complications qu'elle devait y apporter. Madame Torontal avait reporté toutes ses affections sur sa fille, qui était à peine âgée de 2 ans et demi, quand, à la fin de l'année 1867, son mari et elle vinrent demeurer à Raguse. Sava avait maintenant près de 17 ans. C'était une charmante personne qui se rapprochait plutôt du type hongrois que du type dalmate. Des cheveux noirs et épais, des yeux ardents, largement découpés sous un front haut, de forme psychique, si l'on peut se servir de ce mot que les chironiomonistes appliquent plutôt à la main, une bouche bien dessinée, un teint chaud, une taille élégante, un peu au-dessus de la moyenne, cet ensemble de qualités physiques n'eût laissé aucun regard indifférent. Mais ce qui frappait surtout dans sa personne, ce qui devait plus vivement impressionner les âmes sensibles, c'était l'air grave de cette jeune fille, sa physionomie pensive, comme si elle eût été toujours à la recherche de souvenirs effacés. C'était cet on ne sait quoi qui attire et attriste. De là l'extrême réserve qu'elle imposait à tous ceux qui fréquentaient les salons de son père ou qui la rencontraient quelquefois dans le Stradone. On le croira sans peine, héritière d'une fortune que l'on disait énorme et qui devait un jour lui appartenir tout entière, Sava avait dû être recherchée. Mais bien que plusieurs parties se fussent présentées dans lesquelles se trouvaient réunies toutes les convenances sociales, la jeune fille, consultée par sa mère, avait toujours refusé, sans donner aucun motif de son refus. Silas Torontal, d'ailleurs, ne l'avait jamais pressenti ni pressé à ce sujet. Sans doute le gendre qu'il lui fallait, plus pour lui que pour Sava, ne s'était pas encore offert. Pour achever de peindre Sava Torontal, il convient de noter une tendance très marquée qui la portait à admirer les actes de vertu ou de courage que peut engendrer le patriotisme. Non point qu'elle s'occupât de politique, mais le récit de tout ce qui touchait à la patrie, les sacrifices faits pour elle, les exemples récents dont s'honore l'histoire de son pays, la pénétraient profondément. Si ce n'était point dans le hasard de sa naissance qu'elle avait pu puiser de tels sentiments, et à coup sûr il ne lui venait pas de Silas Torontal, c'est que, noble et généreuse, elle les avait naturellement trouvés dans son propre cœur. Cela n'explique-t-il pas, ainsi qu'on l'a déjà pressenti, le sympathique rapprochement qui s'était fait entre Pierre Bathory et Sava Torontal? Oui, une sorte de malchance, intervenant dans le jeu du banquier, s'était plu à mettre ces deux jeunes gens en présence l'un de l'autre. Sava avait à peine 12 ans, quand un jour on avait dit devant elle en montrant Pierre, « C'est le fils d'un homme qui est mort pour la Hongrie. » Et cela ne devait jamais s'effacer de sa mémoire. Puis tous deux avaient grandi. Sava songeait à Pierre avant même que celui-ci l'eût remarqué. Elle le voyait si grave, si pensif. Mais s'il était pauvre, du moins travaillait-il pour être digne du nom de son père, et elle en connaissait toute l'histoire. On sait le reste. On sait comment Pierre Bathory fut à son tour séduit et charmé à la vue de Sava, dont la nature devait sympathiser avec la sienne. Comment, lorsque la jeune fille ignorait peut-être encore le sentiment qui naissait en elle, le jeune homme l'aimait déjà d'un amour profond qu'elle devait bientôt partager. Tout ce qui concerne Sava Torontal aura été dit lorsqu'on saura quelle était sa situation dans sa famille. Vis-à-vis de son père, Sava s'était toujours tenue sur une extrême réserve. Jamais une effusion de cœur de la part du banquier, jamais une caresse de la part de sa fille. Que ce fût sécheresse d'âme chez l'un, chez l'autre, cet éloignement provenait d'un désaccord en toutes choses. Sava avait pour Silas Torontal le respect qu'une fille doit à son père, rien de plus. Du reste, il la laissait libre d'agir. Il ne la contrariait point dans ses goûts. Il ne limitait pas ses œuvres de charité, dont son ostentation naturelle s'accommodait volontiers. En somme, pour lui, c'était indifférence. Pour elle, il faut l'avouer, c'était plutôt antipathie, presque répulsion. À l'égard de Madame Torontal, Sava éprouvait un tout autre sentiment. Si la femme du banquier subissait la domination de son mari, qui lui montrait peu de déférence, elle était bonne, du moins elle valait 1000 fois mieux que lui, par l'honnêteté de sa vie, par le soin de sa dignité personnelle. Madame Torontal aimait profondément Sava. Sous la réserve de la jeune fille, elle avait su découvrir les qualités les plus sérieuses. Mais cette affection qu'elle ressentait était quasi exaltée, mêlée d'une sorte d'admiration, de respect et même d'un peu de crainte. L'élévation du caractère de Sava, sa droiture et, en de certains moments, son inflexibilité, pouvaient expliquer cette forme étrange de l'amour maternel. Cependant, la jeune fille lui rendait affection pour affection. Même sans le lien du sang, toutes deux eussent été étroitement attachées l'une à l'autre. On ne s'étonnera donc pas que Madame Torontal eût été la première à deviner ce qui se passait dans l'esprit, puis dans le cœur de Sava. Souvent la jeune fille lui avait parlé de Pierre Bathory et de sa famille, sans remarquer l'impression douloureuse que ce nom produisait sur sa mère. Aussi, quand Madame Torontal eut reconnu que Sava aimait ce jeune homme, « Dieu le voudrait donc, » murmura-t-elle. Ce que signifiaient ces paroles dans la bouche de Madame Torontal, on le devine. Mais ce qu'on ne peut savoir encore, c'est à quel point l'amour de Sava pour Pierre eût été comme une juste réparation du mal fait à la famille Bathory. Cependant, si Madame Torontal pouvait penser que cela entrait dans les desseins de la Providence, elle dont l'âme était pieuse et croyante, il eût fallu que son mari consentît à ce rapprochement des deux familles. Aussi, sans en rien dire à Sava, résolut-elle de le pressentir à ce sujet. Au premier mot que lui en dit sa femme, Silas Torontal, dans un mouvement de colère qu'il ne chercha point à maîtriser, s'emporta au-delà de toute mesure. Madame Torontal, brisée par cet effort, dut rentrer dans son appartement sur cette menace. « Prenez garde, madame, si vous osiez jamais me reparler de ce projet, vous vous en repentiriez. » Ainsi donc, ce que Silas Torontal appelait la fatalité avait non seulement amené la famille Bathory dans cette ville, mais Sava et Pierre, rapprochés l'un de l'autre, n'avaient pas tardé à se connaître et à s'aimer. On se demandera pourquoi tant d'irritation de la part du banquier. Avait-il formé de secrets desseins sur Sava, sur son avenir, que ses sentiments devaient contrarier? Au cas où son indigne délation eût été révélée un jour, n'aurait-il pas eu intérêt, au contraire, à ce que les conséquences en eussent été préalablement réparées dans la mesure du possible? Qu'aurait pu dire Pierre Bathory, devenu le mari de Sava Torontal? Qu'aurait pu faire alors Madame Bathory? Certes, c'eût été une horrible situation, le fils de la victime marié à la fille de l'assassin, mais horrible surtout pour eux, non pour lui, Silas Torontal. Oui, sans doute, mais il y avait Sarkany, dont on était sans nouvelles. Il y avait son retour, toujours possible, et très probablement des engagements éventuels du banquier avec son complice. Or, celui-ci n'était pas homme à les oublier, si la fortune tournait contre lui. Il va sans dire que Silas Torontal n'était pas sans être préoccupé de ce qu'avait pu devenir son ancien agent de la Tripolitaine. Pas de nouvelles de lui depuis leur séparation après l'affaire de Trieste, et cela remontait à 15 ans déjà. Même en Sicile, où il savait que Sarkany avait des relations par l'entremise de son camarade Zirone, les recherches étaient restées infructueuses. Mais Sarkany pouvait reparaître d'un jour à l'autre. Terreur permanente pour le banquier, à moins que cet aventurier ne fût mort. Nouvelle que Silas Torontal aurait reçue avec une très compréhensible satisfaction. Peut-être alors eût-il vu sous un autre aspect cette possibilité d'une union entre la famille Bathory et la sienne. En tout cas, il n'y fallait pas songer à l'heure présente. Silas Torontal ne voulut donc point revenir sur l'accueil qu'il avait fait à sa femme lorsqu'elle s'était hasardée à lui parler de Pierre Bathory. Il ne lui donna d'ailleurs aucune explication à cet égard. Surveiller plus sévèrement Sava, l'affaire espionnée même, ce fut à quoi il s'appliqua désormais. Quant au jeune ingénieur, se conduire avec lui de façon hautaine, détourner la tête lorsqu'il le rencontrerait, agir enfin de manière à lui ôter tout espoir, ce fut aussi le parti auquel il s'arrêta. Et il ne réussit que trop bien à lui montrer que toute démarche de sa part serait absolument inutile. Ce fut en ces circonstances que dans la soirée du 10 juin, le nom de Sarkany fut jeté à travers les salons de l'hôtel du Stradone, après que la porte se fut ouverte devant cet impudent. Le matin même, Sarkany, accompagné de Namir, avait pris le chemin de fer de Cattaro à Raguse. Il était descendu dans un des principaux hôtels de la ville. Il avait fait une élégante toilette, et sans perdre une heure, il était venu se présenter chez son ancien complice. Silas Torontal le reçut et donna ordre de ne pas les déranger. Comment prit-il la visite de Sarkany? Fut-il assez maître de ses impressions pour ne rien laisser percer de ce qu'il éprouvait à le revoir? Et composa-t-il avec lui? Sarkany, de son côté, se montra-t-il impérieux, insolent, comme autrefois? Rappela-t-il au banquier des promesses qui avaient pu être faites, des conventions arrêtées entre eux de longue date? Enfin, parlèrent-ils du passé, du présent, de l'avenir? C'est ce qu'on ne pourrait dire, car cet entretien ne fut troublé par personne. Mais voici ce qui en résulta. 24 heures après, une nouvelle, bien faite pour étonner, courait la ville. On parlait du mariage de Sarkany, un riche personnage de la Tripolitaine, avec Mademoiselle Sava Torontal. Évidemment, le banquier avait dû céder aux menaces de l'homme qui pouvait le perdre d'un mot. Aussi, ni les prières de sa femme, ni l'horreur manifestée par Sava, dont son père prétendait disposer à sa seule convenance, rien ne devait-il le toucher. Un mot seulement de l'intérêt que Sarkany avait à faire ce mariage, intérêt qu'il n'avait point dissimulé à Silas Torontal. Sarkany était maintenant ruiné. Cette part de fortune qui avait permis au banquier de rétablir le crédit de sa maison, c'est à peine si elle avait suffi à l'aventurier pendant cette période de 15 ans. Depuis son départ de Trieste, Sarkany avait couru l'Europe, vivant en prodigue pour qui les hôtels de Paris, de Londres, de Berlin, de Vienne, de Rome n'eurent jamais assez de fenêtres pour qu'il pût y jeter l'argent au gré de ses fantaisies. Après les plaisirs de toutes sortes, ce fut aux chances du hasard qu'il demanda d'achever sa ruine, aussi bien dans les villes où les jeux fonctionnaient encore, en Suisse et en Espagne, que sur les tables de la principauté monégasque, enserrée dans un périmètre de frontières françaises. Il va sans dire que Ziron n'avait cessé d'être son second pendant toute cette période. Puis, lorsqu'ils n'eurent plus que quelques milliers de florins, tous deux étaient revenus dans ce pays, cher aux Siciliens, en cette portion orientale de la Sicile. Là, ils ne restèrent pas oisifs, en attendant les événements. C'est-à-dire que le temps fut venu, pour Sarkany, de reprendre ses relations avec le banquier de Trieste. En effet, quoi de plus simple que de refaire sa fortune en épousant Sava, l'unique héritière du riche Silas Torontal, lequel n'avait rien à refuser à Sarkany. En effet, aucun refus n'était possible. Aucun refus n'avait même été tenté. Peut-être, après tout, y avait-il encore, entre ces deux hommes, et dans le problème dont ils poursuivaient la solution, une inconnue que dégagerait l'avenir. Cependant, une explication très nette fut demandée par Sava à son père. Pourquoi disposait-il ainsi d'elle ? « Mon honneur dépend de ce mariage, » finit par répondre Silas Torontal, « et ce mariage se fera. » Lorsque Sava rapporta cette réponse à sa mère, celle-ci tomba presque évanouie dans les bras de sa fille et ne put que verser des larmes de désespoir. Silas Torontal avait donc dit la vérité. Le mariage fut fixé au 6 juillet. Pendant ces 3 semaines, on imagine ce que dut être l'existence de Pierre Bathory. Son trouble était effrayant. En proie à des accès de rage impuissante, tantôt il restait enfermé dans la maison de la rue Marinella, tantôt il s'échappait de cette ville maudite, et Madame Bathory pouvait craindre de ne plus le revoir. Quelle parole de consolation aurait-elle pu lui faire entendre? Tant qu'il n'avait pas été question de ce mariage, Pierre Bathory, bien qu'il fût repoussé par le père de Sava, pouvait conserver un peu d'espoir. Mais Sava marié, c'était un nouvel abîme, abîme infranchissable cette fois. Quoi qu'eût dit le docteur Antekirt, lui aussi, malgré ses promesses, il avait abandonné Pierre. Et pourtant, se demandait-il, comment la jeune fille qu'il aimait, dont il connaissait l'énergique nature, avait-elle pu consentir à cette union? Quel mystère y avait-il dans cet hôtel du Stradone où se passaient de telles choses? Ah, que Pierre eût mieux fait de quitter Raguse, d'accepter les situations qui lui avaient été offertes au dehors, de s'en aller loin de Sava qu'on livrait à cet étranger, à ce Sarkany. Non, répétait-il, c'est impossible, je l'aime. Le désespoir était donc entré dans cette maison qu'un rayon de bonheur avait éclairé pendant quelques jours. Pointe-Pescade, toujours en observation, très au courant des bruits de la ville, fut un des premiers instruits de ce qui se préparait. Dès qu'il connut cette nouvelle du mariage de Sava Torontal et de Sarkany, il écrivit à Cattaro. Dès qu'il eut pu constater le pitoyable état auquel cette nouvelle avait réduit le jeune ingénieur, auquel il s'intéressait vivement, il en fit part au docteur Antekirt. Pour toute réponse, il reçut l'ordre de continuer à observer ce qui se passerait à Raguse et de tenir Cattaro au courant de tout. Cependant, à mesure que s'approchait cette date néfaste du 6 juillet, l'état de Pierre Bathory ne faisait qu'empirer. Sa mère ne pouvait plus lui rendre un peu de calme. Comment d'ailleurs eût-il été possible de modifier les projets de Silas Torontal? N'était-il pas évident, rien qu'à la hâte avec laquelle il avait été déclaré et fixé, que ce mariage était depuis longtemps résolu, que Sarkany et le banquier se connaissaient de longue date, que ce riche tripolitain devait avoir sur le père de Sava une influence toute particulière? Emporté par ses idées obsédantes, Pierre Bathory eut la pensée d'écrire à Silas Torontal 8 jours avant la date indiquée pour la célébration du mariage. Sa lettre resta sans réponse. Pierre essaya alors de rencontrer le banquier dans la rue. Il ne put y parvenir. Pierre voulut aller le chercher jusqu'en son hôtel. Il ne put en franchir la porte. Quant à Sava et à sa mère, elles étaient maintenant invisibles. Nulle possibilité d'arriver jusqu'à elles. Mais si Pierre Bathory ne put revoir Sava ni son père, plusieurs fois dans le Stradone, il se trouva face à face avec Sarkany. Au regard de haine du jeune homme, Sarkany ne répondit que par le plus insolent dédain. Pierre Bathory eut alors la pensée de le provoquer, afin de le forcer à se battre. Mais sous quel prétexte? Et pourquoi Sarkany aurait-il accepté une rencontre que son intérêt, à la veille de devenir le mari de Sava Torontal, lui commandait d'éviter? 6 jours s'écoulèrent. Pierre, malgré les supplications de sa mère, malgré les prières de Boric, quitta la maison de la rue Marinella dans la soirée du 4 juillet. Le vieux serviteur voulut essayer de le suivre, mais il eut bientôt perdu ses traces. Pierre allait à l'aventure, comme s'il eût été fou, à travers les rues les plus désertes de la ville, le long des murailles de Raguse. 1 heure après, on le rapportait, mourant, dans la maison de Madame Bathory. Un coup de poignard lui avait traversé la partie supérieure du poumon gauche. Il n'y avait pas de doute possible. Pierre, arrivé au paroxysme du désespoir, s'était frappé lui-même. Pointe-Pescade, dès qu'il eut appris ce malheur, se hâta de courir au bureau du télégraphe. 1 heure après, le docteur Antekert recevait à Cattaro la nouvelle du suicide du jeune homme. Il serait difficile de peindre la douleur de Madame Bathory lorsqu'elle se retrouva devant son fils, qui n'avait peut-être plus que quelques heures à vivre. Mais l'énergie de la mère serait dite contre les faiblesses de la femme. Avant tout des soins, des pleurs plus tard. Un médecin fut mandé. Il arriva aussitôt, il visita le blessé, il écouta le souffle faible et intermittent de sa poitrine, il sonda sa blessure, il lui mit le premier appareil, il lui donna tous les secours de son art, mais il ne conservait aucun espoir. 15 heures après, l'état du jeune homme s'était encore aggravé par suite d'une hémorragie très considérable, et sa respiration, à peine sensible, menaçait de s'éteindre dans un dernier soupir. Madame Bathory était tombée à genoux, priant Dieu de lui conserver son fils. En ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Le docteur Antekirt apparut et s'avança vers le lit du mourant. Madame Bathory allait s'élancer vers lui. Il la retint d'un geste. Alors le docteur se pencha sur Pierre et l'examina avec attention, sans prononcer une seule parole. Puis il le regarda avec une irrésistible fixité. Comme s'il se fût dégagé de ses yeux une puissance magnétique, il semblait faire pénétrer dans ce cerveau où la pensée allait s'éteindre, sa propre vie, avec sa propre volonté. Soudain, Pierre se redressa à demi. Ses paupières se soulevèrent, il regarda le docteur, et il retomba inanimé. Madame Bathory se précipita sur son fils, jeta un cri, et s'évanouit dans les bras du vieux Boric. À ce moment, le docteur ferma les yeux du jeune mort. Puis il se releva, quitta la chambre, et on aurait pu l'entendre murmurer cette sentence empruntée aux légendes indiennes. La mort ne détruit pas, elle ne rend qu'invisible. Chapitre 8. Une rencontre dans le Stradone. Cette mort avait fait grand bruit par la ville, mais personne ne put soupçonner la véritable cause du suicide de Pierre Bathory, ni surtout que Sarkany et Silas Torontal eussent une part dans ce malheur. C'était le lendemain 6 juillet que devait se célébrer le mariage de Sava Torontal et de Sarkany. La nouvelle de ce suicide, accomplie dans des circonstances si émouvantes, Madame Torontal ni sa fille n'en eurent connaissance. Silas Torontal, d'accord avec Sarkany, avait pris ses précautions à cet égard. Il avait été convenu également que le mariage se ferait très simplement. On prétexterait un deuil dans la famille de Sarcani. Cela n'allait sans doute pas avec les habitudes fastueuses de Silas Torontal, mais en cette circonstance, il crut qu'il valait mieux faire les choses sans bruit. Les nouveaux mariés ne devaient rester que quelques jours à Raguse, puis ils partiraient pour Tripoli, où Sarcani résidait d'habitude, disait-on. Il n'y aurait donc point réception à l'hôtel du Stradone, ni pour la lecture du contrat, qui assurait un apport considérable à la jeune fille, ni après la cérémonie religieuse de l'église des Franciscains, qui suivrait immédiatement la cérémonie civile. Ce jour-là, pendant que les derniers préparatifs du mariage se faisaient à l'hôtel Torontal, deux hommes se promenaient en causant de l'autre côté du Stradone. Ces deux hommes, c'étaient Cap Matifou et Pointe Pescade. En revenant à Raguse, le docteur Antekirt avait ramené Cap Matifou. Sa présence n'était plus nécessaire à Cattaro, et si les deux amis, les deux jumeaux, comme disait Pointe Pescade, furent absolument heureux de se revoir, qui pourrait en douter? Quant au docteur, en arrivant à Raguse, il avait fait cette première apparition dans la maison de la rue Marinella. Puis il s'était retiré dans un modeste hôtel du faubourg de Ploce, où il attendait que le mariage de Sarcani et de Sava Torontal fût accompli pour donner suite à ses projets. Le lendemain, pendant une seconde visite à Madame Bathory, il avait lui-même aidé à coucher Pierre dans son cercueil, et il était rentré à son hôtel après avoir envoyé Pointe Pescade et Cap Matifou surveiller le Stradone. Or, rien n'empêchait Pointe Pescade de causer, pendant qu'il était tous yeux et tout oreille. « Je te trouve engraissé, mon Cap, » disait-il en se haussant pour tâter la poitrine de l'Hercule. « Oui, et toujours solide. Je m'en suis aperçu à ton accolade. »« Mais la pièce dont tu me parlais, » demanda Cap Matifou qui tenait à son rôle. « elle marche. Vois-tu, c'est que l'action est très compliquée. »« Compliquée ?» Oui, ce n'est point une comédie, c'est un drame, et le début est même très empoignant. Pointe Pescade se tut. Un coupé, mené rapidement, venait de s'arrêter devant l'hôtel du Stradone. La porte s'ouvrit aussitôt et se referma sur le coupé dans lequel Pointe Pescade avait reconnu Sarcani. Oui, très empoignant, reprit-il, et cela s'annonce même comme un grand succès. Et le traître, demanda Cap Matifou, que ce personnage semblait intéresser plus directement. « Eh bien, le traître triomphe en ce moment, comme cela se fait toujours dans une pièce bien charpentée. Mais patience, attendons le dénouement. »« À Cattaro, dit Cap Matifou, j'ai bien cru que j'allais... »« Entrer en scène ?»« Oui, Pointe Pescade, oui. » Et Cap Matifou raconta ce qui s'était passé au bazar de Cattaro, c'est-à-dire comment ses deux bras avait été réquisitionné pour un enlèvement qui ne s'était pas fait. « Bon, c'était trop tôt, » répliqua Pointe Pescade, qui, parlant pour parler, comme on dit, ne cessait de regarder à droite et à gauche. « Tu ne dois être que du quatrième ou du cinquième acte, mon Cap. Peut-être même ne paraîtras-tu qu'à la dernière scène. Mais sois sans inquiétude, tu feras un rude effet, tu peux y compter. » En ce moment, un murmure lointain se fit entendre dans le Stradone, au tournant de la rue Marinella. Pointe Pescade, interrompant la conversation, s'avança de quelques pas sur la droite de l'hôtel Torontal. Un convoi qui sortait alors de la rue Marinella venait de prendre le Stradone en se dirigeant vers l'église des Franciscains où l'office funèbre allait se dire. Peu de personnes d'ailleurs à cet enterrement, dont la simplicité ne devait guère attirer l'attention publique. Un modeste cercueil porté à bras sous un drap noir. Le convoi avançait lentement quand tout à coup, Pointe Pescade, étouffant un cri, saisit le bras de Cap Matifou. « Qu'as-tu donc ?» demanda Cap Matifou. « Rien, ce serait trop long à t'expliquer. » Il venait de reconnaître Madame Bathory, qui avait voulu suivre l'enterrement de son fils. L'Église n'avait pas refusé ses prières à ce mort que le désespoir avait poussé au suicide. Et le prêtre l'attendait dans la chapelle des Franciscains pour le conduire au cimetière. Madame Bathory marchait derrière le cercueil, le regard sec. Elle n'avait plus la force de pleurer. Ses yeux, presque hagards, tantôt se portaient de côté, tantôt plongeaient jusque sous le drap mortuaire qui recouvrait le corps de son fils. Le vieux Boric se traînait près d'elle, à faire pitié. Pointe-Pescade sentit les larmes lui venir aux yeux. Oui, s'il n'avait pas eu le devoir de rester à son poste, le brave garçon n'eût pas hésité à se joindre aux quelques amis, aux quelques voisins qui suivaient le convoi de Pierre Bathory. Soudain, au moment où ce convoi allait passer devant l'hôtel Torontal, la grande porte s'ouvrit. Dans la cour, devant le perron, deux voitures étaient prêtes à sortir. La première franchit la porte et tourna de manière à redescendre le Stradone. Dans cette voiture, Pointe-Pescade aperçut Silas Torontal, sa femme et sa fille. Madame Torontal, brisée par la douleur, était placée près de Sava, plus pâle que son voile nuptial. Sarkany, accompagné de quelques parents ou amis, occupait la seconde voiture. Pas plus d'apparat pour ce mariage qu'il n'y en avait pour cet enterrement. Des deux côtés même tristesse, effrayante. Tout à coup, au moment où la première voiture tournait la porte, on entendit un cri déchirant. Madame Bathory s'était arrêtée, et la main tendue vers Sava, elle maudissait la jeune fille. C'était Sava qui avait jeté ce cri. Elle avait vu la mère en deuil. Elle avait compris tout ce qu'on lui avait caché. Pierre était mort, mort par elle et pour elle. Et c'était son convoi qui passait au moment où l'emportait sa voiture de mariée. Sava tomba évanouie. Madame Torontal, éperdue, voulut la ranimer. Mais ce fut en vain. Elle respirait à peine. Silas Torontal n'avait pu retenir un mouvement de colère. Mais Sarkany, qui était accouru, sut se contenir. Dans ces conditions, il était impossible de se rendre devant l'officier de l'état civil et il fallut donner ordre aux voitures de rentrer à l'hôtel dont la porte se referma bruyamment. Sava, transportée dans sa chambre, fut déposée sur son lit sans avoir fait un mouvement. Sa mère s'agenouilla près d'elle et un médecin fut mandé en toute hâte. Pendant ce temps, le convoi de Pierre Bathory continuait à s'avancer vers l'église des Franciscains. Puis, après l'office des morts, il s'achemina du côté du cimetière de Raguse. Cependant, Pointe-Pescade avait compris que le docteur Antekirt devait être au plus tôt informé de cet incident qu'il n'avait pu prévoir. Il dit donc à Cap Matifou « Reste ici, éveille !» Puis, tout courant, il se dirigea vers le faubourg de Ploché. Le docteur, pendant le récit que lui fit rapidement Pointe-Pescade, resta muet. « Ai-je excédé mon droit ?» se disait-il. « Non. Ai-je frappé une innocente ?»« Oui, sans doute. Mais cette innocente, c'est la fille de Silas Torontal. » Alors, s'adressant à Pointe-Pescade, « Où est Cap Matifou ?»« Devant l'hôtel du Stradone. J'aurai besoin de vous deux ce soir. »« À quelle heure ?»« À 9 heures. »« Où devrons-nous vous attendre ?»« À la porte du cimetière. » Pointe-Pescade partit aussitôt pour rejoindre Cap Matifou qui n'avait pas quitté son poste. Le soir venu, vers 8 heures, le docteur, enveloppé d'un ample manteau, se dirigea vers le port de Raguse. À l'angle de la muraille, sur la gauche, il atteignit une petite anse perdue dans les roches qui échancraient le littoral un peu au-dessus du port. L'endroit était absolument désert, ni maison, ni bateau. Les barques de pêcheurs ne venaient jamais y mouiller, par crainte des nombreux récifs qui ferment cette anse. Le docteur s'arrêta, regarda autour de lui et fit entendre un cri, convenu sans doute. Presque aussitôt un marin s'approchant disait « À vos ordres, maître. »« Le canot est là, Padzer ?»« Oui, derrière ce rocher. »« Avec tous tes hommes ?»« Tous. »« Et l'électrique ?»« Plus loin, dans le nord. » À 3 encablures environ, en dehors de la petite crique. Et le marin montrait une sorte de fuseau allongé dans l'ombre, dont pas un feu ne révélait la présence. « Quand est-il arrivé de Cattaro ?» demanda le docteur. « Il y a 1 heure à peine. »« Il a passé inaperçu ?»« Absolument, en se glissant le long des récifs. »« Pas d'heure, que personne ne quitte son poste, et que l'on m'attende ici toute la nuit s'il le faut. Oui, maître. Le marin retourna vers l'embarcation qui se confondait absolument avec les dernières roches de la grève. Le docteur Antekirte resta quelque temps encore sur le rivage. Sans doute il voulait attendre que la nuit fût plus obscure encore. Par instants, il se promenait à grands pas. Puis il s'arrêtait, et alors, les bras croisés, muet et immobile, son regard se perdait sur cette mer adriatique, comme s'il lui eût confié ses secrets. La nuit était sans lune, sans étoiles. À peine une de ces petites brises de terre, qui se lèvent avec le soir et ne durent que quelques heures, se faisait-elle sentir. Quelques nuages élevés, mais assez épais, couvraient tout le ciel jusqu'à l'horizon de l'ouest, où la dernière barre de vapeur, faite d'un trait plus clair, venait de s'effacer. « Allons !» dit enfin le docteur. Et revenant du côté de la ville dont il suivit l'enceinte, il se dirigea vers le cimetière. Là, devant la porte, attendaient Pointe Pescade et Cap Matifou, blottis derrière un arbre, de manière à ne pas être vus. Le cimetière était fermé à cette heure. Une dernière lumière venait de s'éteindre dans la maison du gardien. Personne n'y devait plus venir avant le jour. Sans doute, le docteur avait une connaissance exacte du plan de ce cimetière. Sans doute aussi, son intention n'était pas d'y entrer par la porte, ce qu'il venait y faire devant être fait secrètement. « Suivez-moi, » dit-il à Pointe Pescade et à son compagnon, qui s'était avancé vers lui. Et tous trois commencèrent à longer le mur extérieur, que le vallonnement du terrain élevait par une pente assez sensible. Après 10 minutes de marche, le docteur s'arrêta, puis montrant une brèche qui provenait d'un récent éboulement du mur, « Passons, » dit-il. Il se glissa par cette brèche. Pointe Pescade et Cap Matifou la franchirent après lui. Là, l'obscurité était plus profonde sous les grands arbres qui abritaient les tombes. Cependant, sans hésiter, le docteur suivit une allée, puis une contre-allée qui conduisait à la partie supérieure du cimetière. Quelques oiseaux de nuit, troublés à son passage, s'envolaient de ça et de là. Mais hormis ces hiboux et ces chouettes, il n'y avait pas un être vivant autour des selles éparses sous les herbes. Bientôt, tous trois s'arrêtèrent devant un modeste monument, une sorte de petite chapelle dont la grille n'était pas fermée à clé. Le docteur repoussa cette grille, puis, pressant le bouton d'une petite lanterne électrique, il en fit jaillir la lumière, mais de façon à ce qu'elle ne pût être aperçue du dehors. « Entre, » dit-il à Cap Matifou. Cap Matifou entra dans la petite chapelle et se trouva en face d'un mur sur lequel trois plaques de marbre étaient incrustées. Sur une de ces plaques, celle du milieu, on lisait « Étienne Bathory, 1867 ». La plaque de gauche ne portait pas d'inscription. La plaque de droite allait bientôt en avoir une. « Enlève cette plaque, » dit le docteur. Cap Matifou déplaça facilement la plaque qui n'était pas encore scellée. Il la posa à terre et une bière apparut au fond de la cavité ménagée dans le mur. C'était le cercueil qui contenait le corps de Pierre Bathory. « Retire cette bière, » dit le docteur. Cap Matifou retira la bière sans que Pointe Pescade eût besoin de l'aider, si lourde qu'elle fût, et après être sorti de la petite chapelle, il la déposa sur l'herbe. « Prends cet outil, » dit le docteur en donnant un tournevis à Pointe Pescade, et enlève le couvercle de cette bière. » Cela fut fait en quelques minutes. Le docteur Antekirte écarta de la main le drap blanc qui recouvrait le corps, et il appuya sa tête sur sa poitrine comme pour écouter les battements du cœur. Puis, se relevant, « Retire ce corps, » dit-il à Cap Matifou. Cap Matifou obéit, sans que ni lui, ni Pointe Pescade, quoiqu'il s'agît d'une exhumation interdite, eussent fait une seule objection. Lorsque le corps de Pierre Bathory eut été déposé sur l'herbe, Cap Matifou le réenveloppa de son linceul sur lequel le docteur jeta son manteau. Le couvercle fut alors revissé, la bière replacée dans la cavité du mur, la plaque remise sur l'orifice qu'elle recouvrit comme avant. Le docteur interrompit le courant de sa lanterne électrique et l'obscurité redevint profonde. « Prends ce corps, » dit-il à Cap Matifou. Cap Matifou souleva dans ses robustes bras le corps du jeune homme, comme il eût fait de celui d'un enfant. Puis, précédé du docteur et suivi de Pointe Pescade, il reprit la contre-allée qui conduisait directement à la brèche du cimetière. 5 minutes après, la brèche étant franchie, le docteur, Pointe Pescade et Cap Matifou, après avoir contourné les murs de la ville, se dirigeaient vers le littoral. Pas une parole avait été échangée, mais si l'obéissant Cap Matifou ne pensait pas plus qu'une machine, quelle succession d'idées se déroulait dans le cerveau de Pointe Pescade? Dans le trajet du cimetière au littoral, le docteur Antekirt et ses deux compagnons n'avaient rencontré personne sur leur route. Mais en approchant de la petite anse où devait les attendre le canot de l'électrique, ils aperçurent un douanier qui allait et venait en se promenant sur les premières roches du rivage. Ils continuèrent leur chemin, cependant, sans s'inquiéter de sa présence. Un nouveau cri, jeté par le docteur, fit venir à lui le patron de l'embarcation restée invisible. Sur un signe, Cap Matifou descendit le revers des roches et se disposa à mettre le pied dans le canot. À ce moment, le douanier s'approcha, et comme l'embarquement allait se faire, « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Des gens qui vous donnent à choisir entre 20 florins comptant et un coup de poing de monsieur, aussi comptant, » répondit Pointe Pescade en montrant Cap Matifou. Le douanier n'hésita pas. Il prit les 20 florins. « Embarquons !» dit le docteur. Un instant après, le canot avait disparu dans l'ombre. 5 minutes plus tard, il accostait le long fuseau qu'il était impossible d'apercevoir du littoral. L'embarcation fut hissée à bord et l'électrique, mue par sa silencieuse machine, eut bientôt gagné le large. Quant à Cap Matifou, il avait déposé le corps de Pierre Bathory sur un divan dans une étroite chambre dont aucun hublot ne laissait passer la lumière à l'extérieur. Le docteur, resté seul près de ce corps, se pencha sur lui et ses lèvres vinrent baiser son front décoloré. « Maintenant, Pierre, réveille-toi, dit-il, je le veux. » Aussitôt, comme s'il n'eût été qu'endormi de ce sommeil magnétique, si semblable à la mort, Pierre rouvrit les yeux. Une sorte de répulsion se peignit d'abord sur ses traits, quand il reconnut le docteur Antekirt. « Vous, murmura-t-il, vous qui m'avez abandonné. »« Moi, Pierre, et qui êtes-vous donc ?»« Un mort, comme toi. »« Un mort ?»« Je suis le comte Mathias Sandorff. »